Chapitre 17e. Il y avait 7 ans que j'avais quitté la Guadeloupe, 7 ans que je ne vous avais revu. À peine m'aviez-vous écrit. Ma première visite fut pour vous. On me répondit que vous n'y étiez pas, que M. de Langeais voyageait alors lui-même hors la colonie. Votre ancienne demeure me parut en effet inhabitée. Les souvenirs des lieux sont cruels. Ils portent avec eux le découragement. En revoyant la case où je vous avais connu, la tristesse me prit au cœur. Je ne pus douter que le noir qui me parlait ne voulut me cacher un funeste événement. Monsieur de Langeais vous avait peut-être emmené avec lui. Cette idée me fit frémir. Ce noir vous avait servi. Il me connaissait. Il m'avait vu souvent m'introduire chez vous à la tombée de la nuit. À mes questions réitérées, il avait jugé que je devais être un amoureux. Il craignit peut-être ma colère et ne me répondit que par ce seul mot « parti ». Ma mauvaise étoile me fit rencontrer quelques-uns de ces jeunes créoles qui m'avaient amené chez vous la première fois. Ils venaient de vous donner une aubade à votre nouvelle habitation située vis-à-vis de celle des palmiers. Je crus pouvoir me mêler à eux. Je me présentai à vos regards, vous ne me reconnûtes pas. Hélas, j'étais si changé. Il est vrai qu'en ce moment vous étiez alors fort entouré. Ces importuns élevaient presque une barrière entre nous deux. Cependant, la facilité des mœurs créoles m'était connue. Je tentai dès le lendemain une seconde épreuve. J'eus soin de choisir l'heure de votre déjeuner. J'étais plus enflammé que jamais. Je vous avais revu si belle, si admirée. Il me sembla que je devais oublier ce premier accueil, et je m'empressai de me faire annoncer cette fois par votre mulâtresse, qui, moins oublieuse que vous, s'était rappelé mon nom. « Madame, c'est le marchand de Santiago, vous dit-elle, c'est Yoblas. » Quelqu'un causait alors avec vous à ce déjeuner, car j'entendis les deux voix et une sorte de débat élevé sans doute à mon sujet. « Faites entrer, répondit-vous peu après. J'avançai. Vous étiez assise devant un guéridon couvert de fruits. Un homme d'un certain âge, en habit de cour assez riche, me faisait une lecture. D'autres personnes jouaient paisiblement dans le salon. Je vous avoue que je ne fis pas grande attention à cet homme, qui de son côté ne me regarda seulement pas. Je ne pouvais guère soupçonner alors que la comédie étrange, qui allait se passer entre nous deux, eut reçu l'honneur de son approbation, et qu'il voulut même conseiller. Je m'attendais à vous voir bientôt éloigner cet indiscret de votre divan. Je pris un siège et je vous demandai de vos nouvelles. Après que nous eûmes chacun échangé quelques paroles. « Voici le prix de votre collier, monsieur. 20 000 piastres en bons solvables sur la Compagnie des Indes. Je ne saurais oublier le service que vous m'avez rendu il y a 7 ans. Ne vous en prenez qu'à vous-même si je ne vous ai pas soldé plus tôt. » En disant ces mots, vous tiriez de votre secrétaire les bons en question, et du bout de votre doigt ganté, vous agaciez cette même perruche bleue que je vois ici. Ma stupeur fut au comble. Je m'attendais à être reçu, après 7 ans, comme un homme aimé, on me traitait en marchand. Je pensais faire un éclat. La crainte me retint. Je sortis, la rougeur au front et la pâleur sur les lèvres. Une fois dehors, je ne marchais pas, je courais. 1000 projets de vengeance se présentaient en foule à mon esprit. Je relus vos lettres, qui ne firent que m'irriter. Je parcourus la ville et visitai mes amis pour me distraire. Mon pied me reportait comme malgré moi à votre maison. Je ne fus pas longtemps m'apercevoir qu'elle était montée sur un nouveau pied. Vos gens y faisaient beaucoup de fracas. On y voyait des tapis, des meubles venus à grands frais, des glaces, des tableaux, tout ce qui indique le luxe. J'appris aussi que dans ce pays renouvelé sans cesse comme celui-ci par les arrivants de France, c'était à qui se mettrait sous l'aile de votre protection, que toutes les faveurs, les places étaient presque distribuées par vous dans l'île. Jeunes et vieux, crédules et sceptiques, tout le monde était à vos pieds. Ces récits faits en passant, heurtés, incomplets, m'inspiraient de justes craintes. Je jurais de m'en affranchir en pénétrant chez vous la nuit même, en obtenant de votre propre bouche l'aveu de votre nouvelle existence. Aucun nom d'amant n'était parvenu encore dans cette journée à mon oreille. Personne ne s'était chargé de m'apprendre la vérité, soit que l'on me regardât comme un étranger, soit que les mesures à l'égard de votre secret fussent bien prises. Résolu d'en finir, je vous fis remettre un billet tracé au crayon. Je vous y demandai un dernier, un indispensable rendez-vous. l'affront que mon amour avait subi le matin me donnant le droit de l'exiger, je ne m'arrêtais point aux prières. À minuit, votre porte devait s'ouvrir, vous deviez me recevoir sans témoin comme autrefois. Votre lettre ne se fit pas longtemps attendre et je dois le dire, j'en fus surpris. En posant le pied sur le seuil de votre maison, je me rappelais que je n'avais été presque chassé le matin. J'étais encore sous le poids de cette douleur. J'allais enfin avoir la clé de cette bizarre énigme. Dût-elle me frapper au cœur, la vérité me semblait préférable à l'ignorance de mon sort. J'entrai la lune dans vos jardins. La fraîcheur du soir les embaumait. Votre mulâtresse fut mon guide. Après avoir traversé plusieurs salles, elle s'arrêta dans la pièce où vous m'attendiez. C'était précisément celle où vous m'aviez reçu le matin. Sa vue ralluma bientôt ma rage. Je tirai de ma poche le portefeuille où je m'étais vu contraint d'enfouir vos billets de banque. Je vous le présentai tout ouvert, en vous demandant si vous aviez voulu vous jouer de moi, et par quel motif vous en étiez descendu à cette injure. Le front haut, les bras croisés sur ma poitrine, je vous interrogeai à coups si pressés que vous ne sûtes d'abord que répondre. Le bruit de ma botte, il m'en souvient, faisait alors gémir le parquet. Vous gardiez un froid silence. Toutefois, votre admirable génie de comédienne vous reprit dès que je me laissais, comme un enfant, aller aux sanglots à la suite de cette violente sortie. Je pleurais. Ne fallait-il pas une issue à ma colère? Vous me répondîtes que la seule crainte du monde avait pu déterminer votre action du matin, que vous aviez tenu à me payer le prix de ce colis pour votre mari. Mais, vous répondis-je, autrefois vous ne me parliez pas de M. de Langeais. C'était chose naturelle, reprîtes-vous. Alors il n'avait reçu aucun avis, il n'était pas jaloux, et surtout, il n'avait pas comblé à mon égard la mesure des sacrifices. M. de Langeais m'aime, monsieur, et dans ce moment encore, il ne visite Saint-Domingue que pour des intérêts graves, un procès qui menace, dit-il, ma fortune. En s'éloignant de moi, vous pouvez croire qu'il a pris tous les moyens nécessaires à son repos. Ses amis sont devenus ses espions, je suis gardé à vue. Et si je me dévoue une dernière fois à vous recevoir comme vous le demandez, c'est que vous allez vous-même au-devant de mes désirs. J'avais, monsieur, à vous demander mes lettres. Voici les vôtres, que je viens de jeter au feu. Désormais, rien de commun entre nous. Ainsi que vous le disiez, cette entrevue demandée est la dernière. Un pareil discours devait mettre le comble à mon étonnement de la journée. Il venait de bouleverser ma raison et de retourner dans mon cœur ce fer aigu que vous y aviez plongé. Un tel aveu, m'écriai-je, et après 7 ans d'absence, me revoir ainsi, Caroline, vous raillez. Partir parce qu'il vous a pris fantaisie d'aimer cet homme, partir parce que vous l'aimez, renfermer en moi cet amour et l'entendre rugir perpétuellement dans mon âme comme le lion dans sa caverne, jamais, jamais. Je ne vous aime pas comme un autre, moi. Je ne vous poursuis pas de madrigaux. Je n'étends pas sur vous le parasol. Je ne danse pas avec vous comme un créole qui imite le grasseillement d'un duc français. Mais je sais traverser pour vous les plaines et les mornes, illuminer la nuit ma rivière de flambeaux pour que ses eaux vous charrient de l'or. Mes richesses et mon industrie sont à vous. Ce voyage, c'est pour vous que je l'ai fait. 7 ans entiers, j'ai souffert, j'ai courbé mon front pour vous, et vous me dites de partir, et vous me demandez vos lettres, n'y comptez pas. Vous venez de brûler les miennes, c'est bien. Moi, je garde mes morts, je les relève après le combat. Je ne les brûle pas comme vous, mais j'en prends autant de soin qu'un médecin d'Égypte de sa momie. Oui, je tiens à vos lettres, madame la marquise, car des lettres parlent, ces cendres froides ont une voix. Il arrive un jour où les paroles qui couraient jadis douces et tendres sous la plume s'éveillent et bourdonnent contre l'ingrate comme autant de guêpes empoisonnées. Non, non, jamais je ne vous rendrai vos lettres. Disant ainsi, je froissais encore avec plus de fureur entre mes doigts votre odieux portefeuille. Si la flamme ne se fût pas éteinte depuis longtemps dans votre foyer, je l'eusse jetée au feu. J'y portais la main pour déchirer les billets, la vôtre m'en empêcha. Je reparlais d'éclat, de vengeance, j'étais hors de moi, ce mot de départ fouettait mon sang. « Non, je resterai, je ne vous quitterai pas, » repris-je avec une sorte de frénésie. « Qu'ai-je besoin de partir ? Ce n'était que pour vous que je voulais accroître ma fortune. J'étais un chercheur de pierreries, un lingot d'or. Vous m'avez sous la main, gardez-moi, vous ai-je fait défaut après 7 ans ? J'attendrai auprès de vous le retour de votre mari, mais que Dieu vous sauve tous les deux de ma colère. » J'avais prononcé ces paroles avec un accent de rage si impérieux, si hardi, que vous eûtes peur. M'enlaçant de vos baisers, vous ne rougîtes point de jouer avec moi le rôle d'une courtisane. Mes artères battaient, ma poitrine était en feu. Vous m'entraînâtes près de vous pour me calmer en m'appelant des noms les plus tendres. Oh, si tu pouvais lire au fond de mon cœur, toi qui m'accuses, disiez-vous au milieu de nos doux embrassements. Si tu pouvais connaître mon désir ardent de m'éloigner avec toi, de devenir libre, le suis-je, enchaîné à lui par une union qui me pèse? N'est-ce pas lui qui m'a acheté? Ne suis-je pas son esclave? Hélas! La pauvre fille de Duncos, qu'on vend au marché, un carcan de fer au cou, n'est pas plus à plaindre que moi. Que ne m'est-il donné de te suivre dans ces déserts que l'industrie espagnole a transformés en ville florissante? Tioblas, que ton peuple me semble grand, insatiable de richesses, il a frappé cette terre du pied et sur cette terre a germé l'or. Raconte-moi, je te prie, les voyages de ce Christophe que Ferdinand et Isabelle d'Espagne nommèrent l'amiral de l'océan. L'histoire du grain merveilleux de la rivière d'Aina, que Bodavilla acheta pour la reine 3600 écus d'or. Dis-moi la souveraineté castillane et son orgueil, les combats des flibustiers, les trésors enfuis et toujours renaissants de la contrée. Ton amour, Tioblas, c'est un rêve étoilé des mille et une nuits. Tu m'aimes, dis-tu, mais pour me voir toujours splendide et belle, n'est-ce pas? Tu m'aimes comme un brillant magicien aime sa statue animée. Tu voudrais mouvoir, Tioblas, couverte de perles, radieuse de ces belles étoffes qu'on ne fabrique qu'à Damas, escortée d'hommages et d'admiration jalouse. Encore une fois, Tioblas, que ne suis-je libre? Tu serais le seul arbitre de mes destinées. Tu ne verrais plus entre nous deux surgir un fantôme. S'il faut te l'avouer, je suis malheureuse. Écoute, oh oui, je n'aime que toi. Mon mari est léger, présomptueux, il m'accable de reproches. Il ne fait rien de ce qu'il devrait tenter. Il se refuse à prendre du service, il est mal en cour. Je voudrais que tu fusses juge entre lui et moi. Tu verrais quels emportements insensés, quelle folle jalousie. Il a parlé de m'emmener en France, de me faire quitter la Guadeloupe. Ses exigences sont plus fortes de jour en jour. Croirais-tu que je me suis souvent prise à rêver que j'étais devant un hôtel, tu m'y donnais la main, j'étais agitée de mouvements vifs et confus? Il n'était plus là, j'étais libre. « À toi seul, ma vie, mon amour » m'écriai-je en te couvrant de mes baisers. Oh, douleur! Ce songe devait crouler avec le réveil. Loin de me retrouver, comme aujourd'hui, émue, délirante entre tes bras, je me surprenais contrainte, inanimée dans les siens. Alors seulement, je pouvais sonder l'abîme qui nous séparait, entrevoir sa profondeur. Toute prospérité m'était interdite avec toi, je n'avais plus qu'à mourir. Mais il est à Saint-Domingue, interrompis-je. À Saint-Domingue, je te l'ai dit, et dans 8 jours je l'attends. Ainsi, notre bonheur sera troublé, nous n'aurons plus un seul instant de repos. Il va s'abattre ici sur notre nid comme le vautour. À quoi bon mes veilles, mes privations, mes souffrances, Caroline? Vous me dites tard la vérité. Monsieur de Langeais, quand je suis venu ici il y a 7 ans, était moins jaloux, moins soupçonneux. N'importe, votre bonheur avant tout. Oui, je m'éloignerai, je partirai. Dans quelques heures, je vous aurai quitté encore une fois. Aussi bien, ne suis-je qu'un misérable exilé de ma terre natale, mon sort est d'errer ainsi qu'un juif maudit. Au revoir, madame. Le jour qui tombe à vos rideaux m'avertit lui-même de partir. Caroline, adieu. L'amour d'un Espagnol est moins flexible que la lame de son épée, mais il tue comme elle, sachez-le. Je venais de m'envelopper de mon manteau. Je m'élançais à travers votre jardin, où gazouillaient déjà les ramiers. La même mulâtresse m'accompagna. À travers la brume de l'aube, j'arrivais jusqu'au navire sur lequel j'avais retenu passage. J'avais encore à mes lèvres le parfum de vos baisers. Vos promesses d'amour me rassuraient. Votre tristesse menteuse m'avait touché. Dans mon cœur fermentait déjà la vengeance. J'avais hâte d'arriver à Saint-Domingue, de provoquer Monsieur de Langeais. Je le voyais debout devant mon épée, je le tenais vaincu, je l'avais à ma merci. comme un homme encore étourdi des vapeurs du vin et dont les souvenirs se heurtent confus. Je me rappelais à peine les détails de ma nuit, quand le capitaine me demanda mon passeport. Je l'avais serré la veille dans mon portefeuille, ce portefeuille laissé chez vous, et que vous aviez refusé d'accepter malgré mes instances. Il m'eût semblé honteux de reprendre cet or à l'aide duquel vous eussiez effacé jusqu'au premier souvenir de notre amour. Le capitaine ne m'en reçut pas moins à son bord, sur la recommandation de quelques marchands, et nous partîmes. Quel horrible coup le sort me tenait en réserve à mon arrivée. Nulle pensée humaine ne pouvait certes le prévoir. Moi-même, en entendant le tambour battre au champ dans San Iago, devais-je me douter qu'il allait s'agir du renversement entier de ma fortune? J'arrivais avec la soif de la vengeance, m'en remettant au hasard du soin de me faire trouver M. de Langeais, et voilà qu'une semaine d'absence avait suffi pour me dépouiller à mon insu. Un ordre de la Cour d'Espagne, dicté par la plus indigne fiscalité, signifiait au président de San Domingo de faire sur le champ combler toutes les mines de l'île. Il interdisait d'ouvrir des rameaux le long des rivières, d'exploiter les veines du sol, d'en vendre les produits aux Anglais. Les milices de San Iago et du fort Saint-Jérôme étaient chargées de l'exécution de cette loi qui mettait le sceau à ma ruine. Vainement les propriétaires avaient-ils réclamé contre ces iniques prétentions. Vainement les Juifs, et San Domingo en contient un grand nombre, avaient-ils offert eux-mêmes des subsides au président. L'état déplorable de la colonie espagnole, connu déjà du Conseil de Madrid, sans qu'il eût porté remède, n'était même plus un argument à faire valoir. Comme une caravelle que le canon ennemi coule au fond de l'eau, ma cargaison d'or s'abîmait. La baie de Samana, celle de Yaqui et du Macabon, frappées elles-mêmes de cet interdit royal, m'apparurent bientôt protégées par le pavillon jaune de l'Espagne, que je fus tenté d'arracher de mes deux mains. « Ruiné, ruiné par ma propre patrie » m'écriai-je, « car ce ne sont pas des Noirs qui m'ont cette fois volé, c'est une commission souveraine, un ordre du roi qui veut se réserver la Castille d'or. Nos ministres ne trouvent plus indispensable de passer la mer pour profiter des richesses de la partie espagnole. Ce n'était pas assez des départements que la cour d'Espagne accorde ici à ses créatures. Elles rêvent tous les riches domaines d'Obando. Malédiction et opprobre sur mon pays. Moi, noble d'Espagne, noble ruiné comme tant d'autres. Je me suis fait marchand, au lieu de mendier des faveurs près de la cour. J'ai préféré le labeur à l'indolence, les voyages au repos, et maintenant, parce que c'est le bon plaisir du roi, je me retrouve plus nu et plus pauvre qu'un muletier du Monte Plata. Par San Domingo, il n'en sera pas ainsi. Grâce au ciel, je connais les mines mieux que personne. Quelques-unes se sont enfoncées dans les terres, d'autres reposent sur des monts dont l'accès est presque impossible. Dans la cavité des mornes, j'ai su ramasser le diamant. Près du Bao, j'ai trouvé des émeraudes. Toutes ces pailles souveraines n'attendent que ma voix pour éclater. Avec quelques esclaves, je puis me remettre au travail. Le ciel m'est témoin que si je voulais bâtir ici un temple comme Salomon, temple de pierre et d'agate, c'était pour cette femme dont l'amour remplit ma vie. Me recevra-t-elle les mains vides? Allons, Tioblas, va te jeter aux genoux de l'évêque ton parent. Demande-lui de te sauver, ou bien fais-toi tuer par le marquis de Langeais. Car il ne te reste que le souvenir de ta richesse et la honte de te voir tomber dans la misère. Fier cacique qui vendait 140 piastres un grain d'or de ta rivière à un Anglais. » Fuyant les roulements précipités du tambour, j'étais arrivé près du Rio Verde, mon ancienne source de richesse. Mes Noirs s'y tenaient encore les jambes dans l'eau et y ramassaient le sable dans les rainures cannelées de leurs sébilles. Il n'y avait guère que 18 à 20 esclaves. L'ordre n'était pas encore venu jusqu'à eux. Mon habitation s'élevait à peu de distance. Le fleuve lui-même formait sa ceinture. On apercevait de loin San Iago, bâti sur un escarpement sablonneux. Monté sur un excellent bayahondros, j'avais atteint les limites de mes domaines, escorté de 3 mulâtres, quand un commandant militaire espagnol déboucha tout d'un coup d'un taillis d'acacia et vint me prescrire impérieusement de faire retirer de l'eau mes orpailleurs. En même temps, il fit placarder l'ordonnance au poteau de ma maison par 2 de ses cavaliers. trouvant peut-être que mes noirs ne mettaient pas assez de promptitude à se retirer, il ordonna à quelques gens de sa suite de leur distribuer des coups de plat de sabre. Les femmes et les enfants, employés principalement à ce travail riverain, poussèrent d'horribles cris. La fureur me saisit. Je me voyais non seulement dépouillé de ma récolte, mais on maltraitait mes propres esclaves devant moi. À la vue de mes négresses dispersées comme une troupe de grues craintives, et dont l'épaule de quelques-unes saignait, je ne me contins plus. Je piquai des deux vers le poteau et je déchirai l'ordonnance. Il n'y eut qu'un cri d'étonnement. Le commandant militaire courut vers moi, mais la faveur de ma monture, je fus bientôt hors de sa portée. Le vent de la mer soufflait fortement. Je courais aussi rapide que lui, poussant mon cheval par les graviers et les herbes. Le capitaine n'avait pas osé faire feu sur moi. Il avait assez de peine à contenir l'exaspération de mes nègres. Peu de temps après ma fuite, il s'était vu cerné, lui et ses hommes, par un grand nombre de noirs armés de couteaux qui arrivaient aux autres comme renfort. Le bonheur voulut qu'une escorte de 30 à 40 dragons jaunes vînt le rejoindre. La minute d'avant, il suppliait. Une fois délivré, il donna le cours le plus violent à sa rage. Sans respect pour les droits de la propriété, il entra dans ma demeure à la tête de tout son monde, pilla mes coffres de la façon la plus insolente, brisa mes glaces, mes cristaux, et me déclarant déchu de mes droits au nom du conseil militaire, il se rua sur mes vins, après avoir fait occuper par ses complices les avenues de mon parc. Vainement mes gens opposèrent-ils de la résistance. Ce déploiement de force dans une habitation assez lointaine de la ville les intimida. Ils se dispersèrent pour me chercher, abandonnant mes meubles à l'ennemi. Quand je me déterminai à revenir, harassé de ma fuite et de ma colère, le soleil avait tout à fait quitté l'horizon, et cependant, une bande de couleur rouge encadrait le paysage. Ma tour se dressait comme un géant sur ce fond ardent enflammé. J'approchai au pas, et je vis que le feu en avait calciné la pierre. Une fumée compacte se répandait et se résolvait sur elle-même dans ma cour. Les misérables avaient tout brûlé, indistinctement, dans leur ivresse, fauteuils, images de saints, nattes, coffrets. 5 noirs, plus morts que vifs, étaient garrottés au pilier de ma cour. Ils m'apprirent bientôt tous les détails de cette horrible vengeance. Mon argent, ma vaisselle, mes bestiaux avaient péri. Je fus me jeter aux pieds de l'évêque Don Fernando del Portillo, mon parent, qui me rit au nez en me demandant pourquoi je m'étais rebellé contre la force publique. Mon exemple, continua-t-il, était devenu si vite contagieux que ses représailles étaient toutes simples. Pour lui, dégagé de toute administration terrestre, il me conseillait la patience et le mépris des biens, qui m'avait valu ce rude assaut. La stupidité et l'indifférence de mon parent m'irritèrent au dernier point. Don Fernando était loin d'avoir oublié les torts de ma jeunesse, je le savais. Il me considérait comme un aventurier, un homme qui était venu s'abattre dans l'île. Mais en dépit de lui-même, je devais obtenir justice. N'avait-on pas indignement outragé en moi les colons et les marchands? J'eus recours aux autorités, qui firent traîner mes poursuites en longueur. À la fin, ne dominant plus mon ressentiment, abandonné de tous, ruiné, pensant que je ne vous verrais plus peut-être, je me résolus à essayer une vie nouvelle, à mettre encore plus bas sous mes pieds, par une sanglante ironie, cette noblesse qui ne me servait à rien. L'évêque Don Fernando, le ministre de Dieu invoqué par moi, ne m'écoutant pas, j'invoquai Satan, et sa voix me répondit. De toutes mes richesses, je n'avais conservé que les 5 nègres trouvés au milieu des décombres de mon incendie. Les autres avaient profité du désastre pour reprendre leur liberté. Façonnés par moi, ces 5 hommes devinrent bientôt des démons. Comme un hibou sinistre, je plaçai ma nouvelle demeure loin de toute case habitée, près des rocs, dont les plus élevés se perdent jusque dans les nues. Je rejoignais mes hommes à la tombée de la nuit dans la plaine du Morne Noir. Là, nous nous partageons la besogne. C'était une caravane de mulets chargée de café, d'autrefois des soldats espagnols armés que nous dépouillons sans coup férir, car je nourrissais si bien la haine générique de mes noirs qu'ils se seraient fait égorger. J'avais choisi la plaine du Morne Noir parce que les pierres y rendent la poursuite pénible. Dans les monts voisins, sur la gauche, se trouvent des mines de cuivre. Je laissais mes hommes y travailler le jour. le soir il me revenait à vide de butin. Je me savais perdu, sans ressources, sans nul espoir d'être un jour à vous, par les nœuds que je rêvais. De notre côté, je vous savais avide, luxueuse, insatiable. Ma résolution fut bientôt prise. Je me fis voleur, voleur de diamants, voleur d'or. On avait comblé mes mines. Je m'ouvris d'autres mines souterraines. Grâce à l'évêque de Santo Domingo, il m'était permis de pénétrer à toute heure dans la cathédrale. J'affectais un recueillement si profond que souvent les porte-clés m'y oubliaient. La coquetterie et le luxe dont notre culte environne les statues me parut une chose utile. Je ne reculais point devant un sacrilège presque journalier. Le détournement des couronnes de diamants que portent nos madones, les chasses d'argent, les images, rien ne fut à l'abri de mes atteintes impies. Nulle flamme cependant ne sortait du tabernacle, nul fantôme de saint ne se levait, et moi, misérable enfouisseur, après avoir chargé sur ma mule tous ces trésors, j'allais procéder à leur fonte avec mes noirs au sein des montagnes. La moitié de mon or payait ma troupe. L'autre partie, dont je savais seule la cachette, devait servir à me racheter de ma ruine à vos yeux. Je ne vous eusse jamais avoué que j'étais un mendiant. Cette vie infâme m'avait tellement absorbé que je n'avais presque oublié ma haine. L'image de votre mari ne se présentait plus à moi. Ou du moins, la vôtre se plaçait si délicieusement devant la sienne que je ne ressentais plus rien de ces frémissements jaloux, de cette fièvre insensée qui me transportait à son nom seul. Accoudé contre un rocher, je me surprenais, au milieu de veilles terribles, à suivre des yeux une étoile sur la voie lactée du ciel. Je lui donnais votre nom, je maudissais les nuages envieux qui me la cachaient. Mes noirs, habitués à m'obéir, attendaient souvent mon signal et demeuraient hébétés de me voir ainsi muet. Quand je secouais ma rêverie, mon regard leur faisait peur. Aucun n'eût songé à me dénoncer, pas un ne me comprenait. « Viendrez-vous demain à la Concha ?» me dirent-ils un soir. « Il y aura à mettre plusieurs Anglais débarqués de l'Ariane. » Le navire en rade qui nous est venu de la Guadeloupe il y a 2 mois. « C'est à la Concha, vous ne pouvez l'avoir oublié. Que se font tous nos marchés? Puis on y danse. Il y a des mulâtresses. Allons, maître, venez. Pequel nino, pague la familia. Vous trouverez là peut-être quelques officiers de justice à secouer. » Le grand saint d'Espagne a mal inspiré son fils, le conseil de Madrid. C'est à sa famille à nous en rendre raison. Je leur promis machinalement de les suivre. Le lendemain, en effet, j'abordais seul avec un mulâtre le trou de la Concha où il dansait. S'il faut vous le dire, j'éprouvais, en arrivant dans ce lieu, je ne sais quel pressentiment sinistre. C'était un ramas digne de l'enfer. Imaginez 50 à 60 nègres espagnols réunis dans une vieille case aux planches crevassées. Il y a de la fumée, des danses, d'horribles cris. Là, c'est un marchand qui en pipe un autre en jurant sur des reliques. Ici, des enfants noirs accroupis devant un grand feu de broussailles se trichent en jouant au dé. J'y vis aussi des juifs, mais si pauvres, si cassés par la frayeur plus encore que par l'usure, qu'ils semblaient venir sous le couteau échanger quelques marchandises avec les colons assez hardis pour aborder pareil lieu. Des mulâtresses et des femmes de la partie espagnole y chantaient auprès de matelots ivres. L'uniforme de quelques officiers anglais tranchait seul sur ce tableau. Un étranger introduit dans cette caverne pouvait se croire entouré d'ennemis. Aussi, les précautions des visiteurs étaient, je vous jure, bien prises. Presque tous les arrivants étaient armés de pistolets ou de carabines. Pendant que le rhum et l'eau-de-vie circulaient sur les tables, les hommes de la colonie y faisaient leur marché. On n'entendait parler que de balles de sucre, d'indigo, de mites de fer. Je regardais ce long ruban de damnés, plus horrible 100 fois que celui de la fresque de Michel-Ange, quand j'entendis vibrer près de moi une voix douce, une voix qui me parut celle d'une femme, tant les notes m'en semblaient grêles et abaissées. Étonné qu'une femme osât aborder cet antre, je me retournai vers la table d'où la voix partait, et je ne tardai pas à reconnaître un jeune homme au visage livide, au teint fiévreux, qui causait avec Sir Crafton, le capitaine de l'Ariane. « Vous êtes fou, marquis, reprenait le capitaine, puisque les mines d'or de la partie espagnole n'offrent plus la moindre chance, et qu'il n'y a rien qui vous retienne. Il est décidé que vous partiez avec moi. Je lève l'ancre demain. Et si je ne vous ramène à la Pointe-à-Pitre, je ne veux plus me nommer Sir Crafton. » Capitaine, répondit le jeune homme, interrompu de temps à autre par la toux sèche que donne le mal de poitrine parvenu à son extrême période. « Capitaine, je ne vous suivrai pas. Songez que ce n'est que pour après-demain que le juif Nathaniel m'a promis. Je sais qu'il se glisse dans la concha des petits blancs qui font le commerce. Mais, Sir Crafton, il me faut 200 000 livres. »« 200 000 livres ? Peste ! Mais cela est gigantesque, mon cher marquis. Cette femme-là mangerait donc la Jamaïque ?» Ses dettes s'élevaient à 200 000 livres, Sir Crafton, lorsque je l'ai quitté. Depuis ce temps, mon ami, pas une lettre, et Dieu m'est témoin. Ici, un accès de toux plus violent, produit sans doute par le brouillard opaque des cigares et des pipes dans cette masure, l'empêcha de continuer. J'attendais avec avidité qu'il reprît ce dialogue. « Capitaine, dit-il, voici, je crois, le juif Nathaniel. Appelez-le. Hola, Nathaniel ! S'écria Sir Crafton en frappant la table de son poignard de capitaine. « Ne viens-tu ici que pour voir danser la tumba ?» Le juif s'avança vers eux avec une expression de douleur hypocrite que rien ne peut rendre. Ils parlaient tous trois à voix si basse que je ne pus rien saisir de ce qu'ils disaient. Tout ce que je compris, c'est que le jeune homme, malgré ses instances, ne pouvait déterminer Nathaniel, l'usurier le plus roué de Léogane. La fureur brillait dans son regard. Il aurait déchiré le juif en morceaux si lui-même n'eût pas été si faible. Quand il se fut perdu dans la foule des Noirs, « Parbleu ! » s'écria Sir Crafton en regardant de mon côté et en élevant sa main au-dessus de ses yeux. « Voilà un homme qui fera votre affaire. C'est un marchand de la partie espagnole. Mon cher Langeais. » À ce nom, qui réveillait en moi tant de souvenirs, je me dressai droit et debout contre la muraille, comme si le dard de quelque aspic m'eût touché, puis je retombai pesamment sur ma chaise de paille. Si le capitaine ne l'eût pas prononcé ce nom, je n'eusse jamais reconnu peut-être l'infortuné qui le portait. Sa pâleur était devenue effrayante. C'était celle d'un alchimiste fatigué d'user sa vie un souffle stérile devant des creusets menteurs. Il me regardait sans me reconnaître davantage sans doute, car moi aussi j'étais changé. Le capitaine, qui m'avait souvent pris à son bord sous le nom de Thioblas, me le présenta comme un de ses amis qui désirait emprunter pour une affaire. J'écoutais sans répondre, je parus indifférent. Il entrait dans mon plan que ce rival, dont vous m'aviez tant parlé, distilla goutte à goutte devant moi toute sa vie, que sa jalousie, dont vous m'aviez fait un tableau si noir et si chargé, se fit jour devant moi par quelque issue. Je me nommais, je lui promis de l'aider. Mon nom lui revint à la mémoire, il me regarda, il prit ma main, la sienne était inondée d'une sueur froide. « Vous m'avez vu à la Guadeloupe, me dit-il, je puis me confier à vous. Je suis ruiné. Comme autant de brins de paille jetés au feu, j'ai consumé une à une les heures de ma vie, tantôt à des projets de fortune formés pour elle, tantôt à des emprunts que je ne pouvais soutenir. Elle, toujours elle, oui, je l'aime, mais d'un amour saint et profond, d'un amour que j'ai ressenti s'accroître encore par l'absence. Oh, les témoignages de sa tendresse ne m'ont point manqué elle-même. La naissance d'un fils n'a-t-elle point scellé notre bonheur? Je voudrais racheter son existence compromise par tout ce qui me reste de sang. Si vous me prêtez cette somme, monsieur, vous m'ôtez le poids des souffrances. Ma misère future me poursuit comme une honte. Songez qu'à l'heure qu'il est, des gens de justice peuvent venir enlever ma femme au sein d'un bal, que moi, son mari, son défenseur, je ne suis plus là. Que peut-être en ce moment on l'assiège dommage, qu'on rampe devant elle avec de douces voix, et que demain ces mêmes hommes, la voyant pauvre, l'écraseront d'un regard. Il y va de ma vie et de la sienne, songez-y. Ma famille ne veut rien faire pour moi. J'ai soutenu avec la cour une lutte inégale. Je devais succomber. Sir Crafton vous le dira. Mais l'étant venu, mes droits à l'héritage de mon père vous seront cédés. Je suis prêt à passer pour ce que vous exigerez. Ou, si vous me refusez, comme le juif Nathaniel, je me tuerai avec le poignard de Sir Crafton, monsieur. Ce poignard d'un noble officier tranchera de nobles jours. Il avait baissé la tête et il soupirait profondément. Il y avait dans ses soupirs étouffés, dans ce découragement amer, un motif de joie infernale pour moi, froide statue qu'il suppliait. Je m'enivrais complaisamment de cette douleur. Je croyais assister à la décomposition d'un cadavre. « Pouvez-vous me prêter cette somme, oui ou non ?» me demanda-t-il. Je ne répondis pas, j'étais atterré. « Cet homme vous aimait et il venait me le dire insolemment ?» Ce n'était pas là le langage d'un mari. C'était la passion d'un amant avec toutes les angoisses, les combats qui déchirent l'âme. Tout d'un coup, me voyant muet, il fit un effort sur lui-même et s'écria. « Eh bien, Sir Crafton, j'y suis résolu, je pars demain pour la Guadeloupe. » « À la bonne heure, » répondit le capitaine, en buvant un verre de rhum. Il avait annoncé ce départ à Sir Crafton d'un ton de voix si ferme que je pâlis moi-même rien qu'à l'entendre. Je craignis qu'il n'échappât. L'infernale ronde qui s'agitait autour de nous durait encore. C'était une rotation à donner le vertige, un pêle-mêle nocturne et terrible, dans lequel j'apercevais çà et là les grands yeux blancs de mes nègres, le plumet des officiers anglais, la figure des marchands et les mouvements animés des mulâtresses. Toute cette vapeur me montait insensiblement au cerveau. L'atmosphère était imprégnée de vices, de meurtres, de guet-apens. Mon regard demeurait fixe, ma tête pesante. Je ne pouvais croire encore à ce que je venais d'entendre. Ce fut seulement alors que je m'aperçus qu'il m'avait tourné le dos. Il causait avec Sir Crafton en lui montrant un portrait enrichi d'un cercle de perles. « Seigneur capitaine, » dit un nègre en s'avançant, « voici un facteur noir qui veut vous entretenir. Vous savez, » ajouta-t-il à voix basse, et en se penchant à l'oreille du capitaine, « que s'il vous offre en causant des bananes trempées dans l'huile ou tout autre mets, vous n'avez pas le droit de les refuser. Nous sommes ici à la Concha, c'est la règle, ça serait faire insulte à la société. »« Excusez-moi, marquis, » reprit le capitaine en se levant, « je reviens dans la minute. » Et il s'en fut causé dans un coin de cette cahute enfumée avec le facteur. « Malédiction !» m'écriai-je sourdement, en regardant alors par-dessus l'épaule du marquis. « C'est le portrait de Caroline. » Ce portrait, il le baisait avec une sorte de frénésie. Alors seulement. Je caressais la manchetta retenue à ma veste par une chaîne d'argent, et je m'agitais convulsivement derrière sa chaise. Pour vous donner idée de l'étrange police établie dans ce bas-lieu, sachez que 8 nègres attachés comme domestiques à ce trou de la Concha ont l'ordre de se tenir perpétuellement contre la muraille à laquelle sont collées quelques chandelles. À la première dispute survenue entre les marchands ou les danseurs, ils soufflent sur la lumière, on tire les couteaux et alors on se frappe souvent au hasard. Or, pendant que Sir Crafton s'entretenait d'affaires avec le facteur au coin opposé de celui qu'occupait alors le marquis, plusieurs des noirs lui ayant offert des bananes préparées dans l'huile, ainsi que je vous ai dit, il les jeta violemment par la fenêtre. L'aube blanchissait, et un reflet blafard éclaira sa figure quand il referma le volet. « Aux chaises » cria-t-on, « aux chaises ! Il nous fait une injure ! C'est un misérable, un Anglais !» Les chaises tournoyaient déjà dans toutes les mains. Sir Crafton et ses officiers s'étaient vus désarmés lorsqu'à l'aide de mes noirs, je trouvais moyen de protéger le marquis et de le soustraire à leur rage. Mais ce n'était que pour mieux m'assurer de sa parole. La balle alla couper la feuille dentelée d'un palmiste. « Marquis de Langeais, à moi la femme et le portrait » m'écriai-je. « Adieu ton âme !» Et je lui plongeai la lame de ma manchetta dans la gorge. Sir Crafton, sur un signe de moi, recevait alors le même traitement de mes noirs. Jusque-là, je n'avais pas tué, mon Dieu. Dioblas reprit après une pause glaciale de quelques secondes, et sans que la surprise, anéantie de frayeur, pâle, regardant avec un œil hébété, pût trouver seulement la force de l'interrompre. Nul habitué de la Concha ne s'était ému de pareille scène. Pour la plupart, ils ne se donnèrent même pas la peine de l'approfondir. Ils crurent que c'était une vengeance, de justes représailles à l'égard d'un capitaine anglais et de ses officiers. C'était au profit des Anglais, disait-on, qu'on avait fermé les mines. Le jour venait, et tous ces vautours avaient à cœur de regagner leur repère. Vis-à-vis de ce ciel d'un gris d'ardoise qui m'éclairait, les mains chaudes encore d'un meurtre, immobiles devant le corps du marquis dont les yeux ouverts me regardaient, je sentis s'opérer en moi une horrible révolution. Je compris ce que je venais de faire, une action lâche, infâme, que je ne me pardonnerais de ma vie. En vérité, j'eus peur du ciel, peur de Dieu, peur de moi-même. « Du moins, m'écriai-je, si je l'eusse tué en duel, si mon épée eût rencontré son épée, mais non. Je me suis jeté sur lui avec la fureur du tigre. J'ai versé le sang d'un homme qui n'avait d'autre tort que d'aimer celle qu'il avait choisie et de souffrir pour elle mille supplices. Le voilà mort loin d'elle et de son pays, sous un ciel qui n'est pas le sien. Mort après une vie de misère comme la mienne. Aujourd'hui, dans une heure, il comptait mettre à la voile, et maintenant le voilà gisant à terre, près de ce capitaine de navire qui l'accompagnait. Et je frappai ma tête, puis ma poitrine. Je renvoyai aux mornes excavations de ces rochers de lugubres cris. Mes cinq noirs me regardaient stupidement en essuyant leurs couteaux sur les feuilles d'un latanier. Jamais peut-être M. de Langeais ne m'avait paru plus beau qu'à cette suprême entrevue. À l'admirable mélancolie de sa figure avait succédé la pâle blancheur de la mort. Le sang inondait sa cravate blanche et les parements de son uniforme de marin. Il aimait, vous le savez, à porter cet habit quand il voyageait sur mer. Son gant droit serrait encore avec force la chaîne du médaillon. C'était une chaîne formée de vos cheveux. Cette vue ralluma toute ma haine. Je ne craignis point d'écarter les doigts du marquis et de la ravir, cette dernière relique. Il portait encore la croix de Saint-Louis sur la poitrine. Cette croix, je la foulai sous mes pieds. Je le considérais comme l'auteur de tous mes maux. Sans lui, je vous faisais la maîtresse absolue de ma vie. Il était de trop entre nous deux. Il devait mourir. J'ignorais qu'en ce moment même, heure de crime et de suprême agonie, vous le trompiez ainsi que moi. La cloche de San Iago sonnant au loin appelait les colons à l'église. Cette cloche matinale retentit comme un glas funèbre à mon oreille. Elle me fit souvenir que j'étais chrétien. L'homme que j'avais tué était mort sans prêtre, sans sacrement, sans prière. Il s'agissait de faire disparaître le corps. Je ne pensais plus, je vous jure, à celui de Sir Crafton, qu'en sa qualité de protestant, j'avais déjà fait jeter par mes nègres au fond d'une soufrière, en cette plaine isolée. Mais Langeais était mon frère. Langeais était de la même religion que moi, son assassin. Il serait impossible de le présenter à l'église espagnole, cela était vrai. Mais je ne saurais non plus me faire à l'idée que la terre où je marchais pût receler sa dépouille. Chaque plaine, chaque pierre, ne crierait-elle pas contre moi? Quelle vie mènerais-je sur cette lande inculte? Quel remords, quelle torture, si je l'y savais près de moi, ombre implacable, terrible! Et quand je vous entraînerais vous-même, comme je l'espérais déjà, dans ma nouvelle demeure pour y partager mon sort, ce mort, si voisin de nous, ne pourrait-il se lever? En proie à ces pensées, je donnai l'ordre à deux de mes hommes de charger le corps sur une mule et de m'accompagner vers la partie française de l'île, la ville de Saint-Marc. Je connaissais le curé de cette paroisse, je le savais bon, crédule. Je l'aborderai en lui disant que votre mari avait croisé le fer contre Sir Crafton, que l'Anglais l'avait tué et avait fui vers les mines de Tibao. De cette façon, M. de Langeais serait enterré en lieu saint. La voix de ma conscience ne me crierait plus « impie ». Ce voyage dura 5 jours. Je montai un coursier de Noat. Mes deux noirs suivaient avec un mulet en laisse, carapassonné de noir. Je ne saurais vous dire par quels épouvantables remords je me sentis le cœur labouré durant cette route. Il me semblait que tout le monde dut lire mon crime sur mon front. Ce crime odieux, je ne l'avais commis que pour vous. Aussi, par les brûlantes savanes que je parcourais, vous retrouvais-je incessamment à mes côtés, comme un mauvais ange. Vous me paraissiez, dans de sinistres visions, heureuse de cette délivrance, vous me tendiez les bras, et je m'y précipitais comme dans une anse où le vent du remords ne soufflerait pas. Le curé de Saint-Marc me crut. Il reçut mon offrande pour le service funèbre, où j'assistais seul avec mes deux compagnons. Le terrain payé, je partis. L'air que je fendais sur les monts, l'horrible fardeau dont je me sentais affranchi, ramenèrent chez moi des moments de calme dont je profitais pour vous écrire. Vous savez ma lettre, je vous y racontais le duel de M. de Langeais. Ce duel était un mensonge. La seule vérité contenue dans cette lettre, c'était l'invariable amour dont je protestais. Un amour, Caroline, dont vous ne pouviez soupçonner le désespoir. En effet, même en vous parlant de retourner bientôt près de vous, je savais que je ne le pourrais pas. Outre les soupçons que ce prompt départ fera naître, après ma déclaration du duel de M. de Langeais au curé de Saint-Marc, je n'aurai jamais le courage de vous aborder, pauvre, ruiné. Il me fallait attendre un mois pour présenter aux orfèvres de l'île mes diamants de Banique et de Saint-Jean, larcin dangereux à monnayer, d'après les nouveaux édits du gouverneur, qui prévenaient les colons de ces déprédations successives opérées par des hommes assez habiles pour demeurer inconnus. Faut-il vous le dire, d'ailleurs ? Je ne voulais pas me mettre en route avant d'avoir reçu de vous une première lettre. Il me tardait de subir le contre-coup de ma nouvelle. L'impression de cette mort sur votre esprit m'inquiétait. Le silence que je vous vis garder me parut inexplicable. Je m'épuisais en conjectures pour l'excuser. Je me fis une loi sévère d'attendre encore. Pendant ce temps, les remords obsédaient mon cœur et le rongeaient. N'allez pas croire que je puisse dormir une heure seulement dans mon hamac, sous mon toit. Je passais des nuits entières, couché dans mon manteau, au pied des mornes. Souvent, les oiseaux lançaient des cris lugubres autour de moi. Le sifflement des serpents ou des chauves-souris m'arrachait à un demi-sommeil. Et alors, le front baigné de sueur, le visage en feu, je me dressais debout. Puis je courais chez moi, me lavais les mains à la fontaine. Je croyais toujours trouver du sang à ses mains. La fièvre, cette hyène qui rôdait autour de moi, m'étreignit si bien qu'à la fin je succombais. Je restai 2 mois sous sa serre brûlante, à peine soignée par Mulâtre qui était mon domestique, rêvant de ce dont les damnés doivent rêver, vous appelant, ainsi que lui, dans mes nuits de douleur et de rage. Une fois, je vous vis guidant vers moi les soldats du gouverneur. Il y avait un homme à qui vous donniez le bras, et cet homme, je crus le reconnaître. Il me regardait en souriant de pitié, et en me montrant du doigt un spectacle terrible de mon enfance, dont j'avais gardé le souvenir. C'était le bras desséché d'un chef de brigand supplicié près des roches d'Anduxar par ordre du roi d'Espagne. Il arrachait, en ricanant de ma poitrine, l'ordre de Saint-Jacques, ainsi que j'avais fait de la croix de Saint-Louis, trouvée sur Langeais. Me déclarait noble. Comme sur la Sainte Trinité, je le suis, coupable d'un crime, et me rejetait au bourreau. Vous, Caroline, vous riez avec lui. Vous aviez une robe de cour. Vous partagez la joie que lui causait mon supplice. Ce fantôme, ce n'était point le marquis. C'était un homme de 50 années. Je le croyais votre père dans mon délire. Ces 2 mois passés, ma convalescence commença. Ne recevant de vous aucune lettre, je partis. Débarqué à la pointe à Pitre, l'accès de fièvre qui m'a repris fut si fort qu'il me fit tomber devant la porte d'un café. Là, presque évanoui de fatigue, j'entendis prononcer le nom de votre mari. Ce nom me tira de ma léthargie, de ma douleur. Je levai la tête, comme s'il m'eût fallu répondre devant un juge. Parmi les jeunes créoles attablés dans ce café, nul ne m'interrogeait cependant, mais tous s'entretenaient de votre absence. « Elle a quitté la Guadeloupe, » disait l'un, « pour complaire à monsieur le contrôleur général. Maintenant qu'elle est veuve, n'a-t-il pas sur elle les droits d'un mari ?»« C'est une vraie perte pour la colonie, » reprenait un autre. « La seule femme de la Pointe-à-Pitre qui sut convenablement le menuet. » »« Quel luxe, quelle opulence !» continuait un troisième. « Quand je pense que monsieur de Boulogne a payé un matin devant moi à cette femme une parure de 20 000 piastres. » qu'elle devait rembourser à je ne sais quel marchand de Saniago. Nous avons fait une faute, messieurs. Laisser partir la marquise de Langeais, et surtout quand elle a le bonheur de devenir veuve, moi, j'allais me présenter. Partie perdue, mon cher, elle épousera monsieur de Boulogne. Il y a d'ailleurs pour cela de bonnes raisons. Mandé par le cabinet de France, M. de Boulogne s'est vu forcé de repartir. Mais la rose à Saint-Domingue est sa propriété de prédilection, et puisqu'il y a caché sa colombe, Saint-Domingue le reverra. Pour mon compte, messieurs, je déclare M. de Boulogne un homme du bel air, légèrement voûté, peut-être, qu'à Cochim, mais né pour être grand seigneur. Il fait les choses comme un ambassadeur de Louis XIV. Une noblesse de robe. Oui, mais il a l'oreille du roi, et Madame de Langeais a besoin d'un bras pour l'appuyer à la cour. Madame de Langeais a beau être marquise, elle est ruinée, messieurs. Or, une marquise ruinée qui a 25 ans et qui est belle, réfléchit. Moi qui vous parle, j'ai connu particulièrement M. de Langeais, eh bien, le digne mari se tuait à la lettre pour subvenir au train de sa femme. Comprenez-vous ce bel héroïsme, cette abnégation de soi-même pendant qu'un autre mettait tant de conscience à l'aider? Il allait se faire tuer en duel par un Anglais après cela. Jusqu'ici, j'avais écouté machinalement, mais à ces dernières paroles, qui entraient comme un fer brûlant dans ma plaie, je faillis me trahir et venger moi-même cette belle âme si injustement raillée par cet amas de discoureurs indifférents. Il m'avait à peine regardé. J'étais mal vêtu. J'avais le teint hâve, miné par la fièvre. Un garçon de café me mit quelques limons devant moi. J'y imprimai mes dents avec une sorte de rage. Eux continuèrent. Ce pauvre Langeais. Il n'y a que les rois et les maris, on a raison de le dire, pour ne rien savoir de ce qui se passe. Je vois toujours la bienheureuse expression de sa figure quand il apprit, à son retour d'un voyage de 6 mois à la Martinique, l'accouchement de Madame de Langeais. Il paraît du reste que la délivrance de la marquise n'avait pas eu lieu sans peine. Elle fut, dit-on, en danger de perdre la vie. Oui, sans une négresse que M. de Boulogne envoya chercher à une lieue des palmiers, et qui sauva les jours de Madame de Langeais. Monsieur le marquis Maurice de Langeais ne venait point au monde, tu as raison, Martial. En vérité, c'eût été là grand dommage. Il vous eût fallu voir, vous autres, avec quel air de souveraine tranquillité, Monsieur de Boulogne présenta lui-même à Langeais cet enfant. Quand le marquis fut de retour, quelle joie orgueilleuse le pauvre Langeais ressentit à l'embrasser. Et cependant, vous le savez tous, l'enfant était né débile, délicat. On hésita longtemps à le baptiser. Il fut élevé dans le duvet, quittant à peine son berceau, soumis à la baguette des médecins. Que voulez-vous? L'enfant d'une jeune femme et d'un vieillard pouvait-il être robuste? Je lui souhaite, Martial, de boire un jour le rhum comme moi. Celui qui parlait de la sorte vida son verre en effet. Ses camarades l'imitèrent. Pour moi, percé d'aiguillons aussi froids, aussi glacés que les celui du scorpion de nos îles. Je sentais alors arriver à mes oreilles je ne sais quel bourdonnement, à mes lèvres je ne sais quelle écume. Je portais la main à mon front, il était baigné de sueur. Une lumière nouvelle m'environnait, me montrait le fond d'un abîme. Je m'échappais du café en jetant une piastre sur le comptoir. Ce n'était pas trop payé, cette effroyable hospitalité d'un quart d'heure, et les odieuses révélations que je venais d'acquérir. Je savais tout, Caroline. Vous m'aviez trompé comme Langeais. Votre conduite m'apparaissait à cette heure sans aucun voile. Vous m'aviez joué, dupé pendant 7 ans. Vous aviez trafiqué de mon amour comme la plus vile des courtisanes. Habituée à vivre au milieu de vos esclaves, blanches créoles, vous m'aviez traité comme un de ces noirs qui meurent à la peine et que l'on regarde comme un produit. J'avais enfin la clé de vos mystérieuses terreurs à mon approche, de votre amour intéressé à m'éloigner, de votre vie entière abîmée dans la muette contemplation de son égoïsme. Vous ne m'aviez pas pris que comme un fruit que l'on jette à terre après en avoir pressé le jus. Pendant ces mortelles années, où vous me saviez luttant pour vous, contre le souffle des vents contraires, vous m'aviez entretenu dans des idées de bonheur, en concluant le marché de votre honte avec un autre. Mais vous ne saviez pas, Caroline, que pour vous j'étais devenu voleur, pour vous j'avais tué, pour vous. Thioblas, épuisé, appuya sa main contre le rebord du lit de la marquise. Il sembla respirer après avoir déroulé de la sorte, en quelque halte pressée, l'infernale chaîne de ses malheurs. La lumière de l'appartement imprimait à ses joues une pâleur singulière. ses cheveux, grisonnant par mèches rares et dispersés dans le désordre de son récit, lui retombait sur le front comme une crinière luisante. La marquise attendait la fin de cette nocturne entrevue, comme un combattant déjà blessé attend la fin d'un duel. Si la fureur de l'Espagnol, au lit d'être refroidie, bouillonnait encore, égalant sur elle-même les tournoiements de la lave, la stupeur de Madame de Langeais, sa crainte, son attention, formaient en elle un conflit de pensées aussi actif, aussi absorbant, aussi lourd. Donc, poursuivit-il avec une voix sourde, vous êtes à moi, je vous ai acheté à double titre, par de l'or et par un crime. Caroline, vous allez me suivre. Vous suivre, Thioblas? Vous n'y songez pas. Vous suivre, vous, l'assassin de mon mari? Je vous le répète, madame, j'ignore la différence de l'esclave qui tue ou du maître qui fait tuer. Encore une fois, comme il y a du sang à mes mains, il y a du sang au vôtre. Caroline, regardez-vous. Il la conduisit, muette et pâle, devant la glace de sa toilette. Par un instinct d'épouvante que le remords seul peut expliquer, la créole n'osa s'y voir. Elle détourna le front. « Bien, » reprit son maître, car Thioblas, dans cet instant de solennelle terreur, lui commandait. « Bien, tu as compris que, pas plus que moi, tu n'avais le droit d'interroger devant Dieu cette nature créée dans l'origine à son image, et que le crime seul peut ternir. Ah, tu en conviens donc à présent, froide vipère. Si tu m'enlaçais de tes baisers menteurs il y a 4 ans, c'était pour me faire partir. Si tu me parlais de la jalousie de cet époux, c'était pour armer mon bras. Eh bien, rassure-toi, Caroline. Je l'ai tué, bien tué. Il ne reviendra pas. Il dort sous la pierre près de l'église de Saint-Marc. Tu es encore trop près de lui, Caroline. J'ai pitié de toi. Tu vas me suivre. Ces mêmes noirs qui ont vu le meurtre de ton mari, son meurtre, notre œuvre à nous deux, ils sont là, là, sous les mangles que tu pourrais distinguer de cette fenêtre. Si ton regard n'était pas si morne, si troublé. Un coup de ce sifflet d'ivoire suspendu à ma ceinture, vois-tu? Ils paraîtront. Mon cheval t'emportera. Bien, j'ai pitié de toi. Tu ne peux rester sur le même sol où Langeais repose. Dans la partie espagnole de cette île, tu dormiras en paix. Tu ne déroges pas, d'ailleurs. Tu ne seras pas la femme d'un marchand. Tu seras la femme du comte de Cerda. Le comte de Cerda. Poursuivit-il avec un rire étouffé. Misérable, laisse-moi, tiens, reprends, si tu le veux, tes diamants, ils sont là, là, dans cette cassette. Je ne te dirai plus rien, voici la clé, prends. Et parlant ainsi, elle se roulait sur la natte, et elle étendait ses doigts crispés vers la cassette. La repoussant avec une ironie froide, il lui dit, j'attends, comtesse de Cerda. Oublies-tu donc que ce n'est plus ici le marchand qui te parle, c'est un noble espagnol. Plus noble, je te l'ai dit, que ton financier. Quitte cet homme et viens avec moi. J'ai des richesses. Peu t'importe d'où elles me viennent. Ne sommes-nous pas maudits? Mais moi, moi, Thioblas, moi, je ne suis pas libre. J'ai un fils. Je l'enverrai en Espagne, ou tu le renverras à son père si tu le veux. Ce n'est point le fils de Langeais, murmura l'espagnol avec une rage dédaigneuse. L'enfant d'un mort eût été sacré pour moi, poursuivit Thioblas en essuyant la seule larme qui eût débordé de son œil sec. Thioblas, dit-elle alors avec un accent d'inexprimable douceur que l'angoisse seule, l'angoisse désespérée peut donner. Thioblas, je t'aime. L'oreille de l'espagnol découvrit un tressaillement si aigu de peur dans la fin de cette phrase hypocrite que, malgré la pantomime de la marquise, il s'écria « Comédie !» « Ah, tu ne m'accuseras pas d'aimer cet homme, » reprit-elle en joignant les mains. « Cet homme, c'est un vieillard. Toi, du moins, tu es jeune, tu es beau. » Thioblas hocha la tête avec un sourire triste. En ce moment, l'horloge de la chambre sonnait 2 heures du matin. « Allons, seigneura, votre main dans la mienne et le pied à l'étrier, » s'écria-t-il comme s'il fût sorti d'un rêve. « Jamais, jamais, » reprit-elle, « tu me fais horreur. » 2 heures viennent de sonner. Vous emporterez vos diamants. Cela sera bientôt fait. Je suis maîtresse ici, Thioblas. Songez que je n'ai qu'à jeter un cri, l'on viendra. Vos gens sont à la veillée. Vous voulez donc me voir briser le front contre ce mur? Vous n'en ferez rien. Cette main vous tient sans colère, vous le voyez. Encore un coup, lâchez-moi, je vous dis que vous êtes un assassin. Et moi, je te dis, femme, que nos deux destinées doivent être unies à jamais, comme le sont nos deux mains. Tu dois marcher avec moi, car tu es une femme perdue. Entre nous s'élève quelque chose, marquise de Langeais ou comtesse de Cerda. C'est une colonne de sang. Allons, marche, marche !» Il tira en même temps son sifflet d'ivoire et le porta à ses lèvres. La marquise comprit qu'elle était perdue. « Infâme ! » cria-t-elle en dégageant son bras de celui de l'Espagnol par un effort surhumain. « Ne fais pas un mouvement ou je mets le feu à ma moustiquaire !» Armée d'un flambeau qu'elle avait saisi sur sa table, la marquise de Langeais s'était réfugiée sous la gaze du lit. Thioblas la considérait avec stupeur. Dussions-nous brûler ainsi tous deux avant l'enfer? Je t'y suivrai, cria-t-il résolument. En prononçant ces mots, il écartait le voile de la moustiquaire à laquelle le flambeau de la marquise mit le feu. En voyant la flamme se propager rapidement d'un bout de la gaze à l'autre, lécher de sa langue flamboyante les stores et les corniches, la marquise fut elle-même effrayée de son courage. Deux secondes encore, et la chambre était en feu. Thioblas tira de son sifflet un cri aigu, lugubre comme celui du serpent. Un cri pareil lui eut bientôt répondu. « À l'assassin ! Au meurtre !» cria la créole hors d'elle-même, se penchant à la fenêtre. Elle sentit bientôt sa voix se sécher dans sa gorge, et elle tomba. Poussant du pied la porte de la chambre, Thioblas allait entraîner Madame de Langeais quand il s'aperçut qu'elle était évanouie. Des pas retentissaient, la flamme continuait avec violence. Thioblas jeta de l'eau au visage de la marquise et d'une voix entrecoupée à la fois par la fumée et la colère, il lui dit « Marquise de Langeais, retenez ceci. J'ai deux choses à vous. Votre médaillon trouvé sur votre mari et vos lettres adressées à moi. Votre nouvel amant comparera un jour les lettres de la marquise de Langeais à Thioblas avec celles de la marquise de Langeais à monsieur de Boulogne. Quant à ma proposition d'hymen, puisqu'elle vous déplaît, n'en parlons plus. J'avais cru que l'opiniâtreté de mon amour vous ébranlerait, vous, ma complice. Vous venez de crier à l'assassin. Je pourrais vous plonger à cette heure dans la poitrine la lame de ce couteau qui a tranché les jours de Langeais, mais cette lame est sacrée. Elle est trop sainte pour vous. » Il ajouta, en se pendant à la soie de sa longue ceinture qu'il attacha au barreau de la fenêtre, « Adieu. Vous n'êtes pas la seule de votre famille, marquise. J'attendrai. Je puis me venger peut-être sur quelqu'un qui vous est cher. » La pâle créature avait assez recouvré ses sens pour entendre bruire ces paroles à son oreille, comme un son de cloche funèbre. Le galop d'un cheval retentissait déjà sous la fenêtre, quand les noirs accourus au cri de Madame de Langeais pointèrent leurs fusils du haut de sa fenêtre enflammée. Mais Thioblas avait disparu. Les ombres de la nuit gardaient seules le secret de sa route.